Merci beaucoup pour ces deux présentations vraiment très riches, pleines d'intuition, qui génèrent beaucoup de pistes pour la réflexion. Ces deux présentations qui montrent que le bricolage ou le souci de la guérison sont des pratiques qui traversent finalement toutes les classes sociales, et surtout c'est des pratiques qui ont une logique de cohérence. Donc les acteurs sociaux ne s'approprient pas n'importe quoi, n'importe comment, de façon aléatoire et désordonnée, mais leurs choix restent contraints et structurés par les ressources disponibles et par leurs propres capitaux sociaux et culturels. Donc je vais commencer peut-être par deux questions transversales et après des questions plus personnalisées. Donc dans ces deux présentations, il y a un point commun qui est celui de faire dialoguer en fait différents cas empiriques, donc des pratiques très contrastées dans des milieux sociaux très différents. Donc dans le cadre des rubriques, on analyse à la fois l'exotisme religieux de la petite bourgeoisie et le messianisme chrétien judaïsant de milieux plus populaires et plus conservateurs. Et dans le cas de Géraldine, on peut analyser ensemble les convertis à l'islam, des baby-boomers sécularisés de classe moyenne qui se tournent vers des spiritualités orientales ou indigènes, et des personnes plutôt de milieux populaires, défavorisés, parfois immigrés, qui s'engagent plutôt dans des pratiques de pèlerinage traditionnel. Donc ma première question, en fait, elle est d'ordre méthodologique, c'est-à-dire ce grand écart en fait méthodologique entre ces différents cas qui me paraît très fécond. J'aimerais que vous l'explicitiez un peu, comment vous avez procédé, qu'est-ce que la comparaison vous a apporté, et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en multipliant tous ces cas et en posant des questions transversales à tous ces cas. La deuxième question transversale, c'est il semble dans les deux présentations que le recours au bricolage mais aussi les récits de guérison sont le fait d'individus qui sont exposés au risque de déclassement ou qui subissent ce déclassement. Est-ce qu'il y a là quelque chose à creuser en fait? Est-ce que ces discours ne révèlent pas, enfin ne touchent pas des personnes qui sont en situation d'instabilité sociale, soit de mobilité sociale descendante, soit pourquoi pas de mobilité sociale ascendante également? Alors après j'ai des questions plus spécifiques pour Véronique, donc Véronique, tu es une auteure centrale sur le sujet du bricolage, donc mes questions seront peut-être répétitives, mais le but c'est surtout de permettre au public de profiter de tes réponses. Donc tu as bien montré dans cette présentation que le bricolage ne doit pas être considéré comme un acte purement individualiste et individualisant, et que les individus ne sont pas des gens atomisés qui font des choix autonomes, mais bien que leurs choix sont structurés et parcourus par des logiques de stratification sociale, soit le genre, les assignations ethno-raciales, et pour le cas qui nous intéresse ici, la classe. Et tu as très bien aussi montré que les bricolages ne sont pas hors sol, mais sont en résonance avec le contexte politique, notamment la question du conflit israélo-palestinien qui résonne avec le conflit irlandais est très éclairante. Donc tu as bien montré que le bricolage, c'est pas seulement l'affaire de mouvements dits progressistes ou dérégulés, mais qu'on le retrouve aussi dans des mouvements conservateurs et plus rigoristes, avec toutefois des stratégies de distinction différentes dans les deux cas. Donc dans le premier cas, le développement d'une compétence culturelle, et dans le deuxième cas, plutôt une subversion, une critique des élites et le maintien dans une position périphérique. Et donc ma question, c'est est-ce que en fait, ce terme de bricolage, on peut l'appliquer aussi bien aux nouvelles religiosités qui sont centrées sur l'exaltation de la singularité individuelle, de l'esthétisation du soi, que à des reformulations plus syncrétiques d'une religiosité plutôt conservatrice. Donc pourquoi parler de bricolage dans ces deux cas? Est-ce que le terme continue de faire sens? Et quel est l'apport théorique en fait de conserver un terme englobant pour ces pratiques qui relèvent de stratégies différentes? La deuxième question, c'est à la question « Qui bricole ?» qui est le titre de cette séance. Est-ce qu'on ne peut pas finalement répondre tout le monde? Et dans ce cas, jusqu'où, comment délimiter en fait les frontières de ce concept de bricolage qui semble assez prépondérant? Ensuite, j'ai une question plus spécifique sur le judaïsme en particulier. Donc, tu as dit qu'il y a des religions qui sont appropriables, qu'on peut approprier. Est-ce que le judaïsme fait partie de ces religions au même titre que d'autres religions qualifiées d'exotiques comme l'hindouisme ou le bouddhisme? Et de quelle façon le judaïsme est approprié dans des mouvements que tu as décrits comme des mouvements un peu New Age qui se revendiquent de la Kabbale, et à l'inverse des mouvements messianiques chrétiens? Enfin, quels sont les différents éléments qui sont appropriés et de quelle façon? Voilà mes trois questions. Et pour Géraldine, Tu as très bien souligné que la guérison, ça n'avait rien de nouveau dans le monde religieux, mais qu'au contraire, l'expansion des discours de religion était assez inédite. Et donc, ma question, c'est de quoi ce nouveau souci de guérison est-il le nom? Pourquoi se tourner vers la religion pour guérir? Qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que ça ne révèle pas un discrédit des institutions séculières comme la médecine conventionnelle, etc.? Qu'est-ce que ça nous dit? La deuxième question, c'est je me demande si tout ça n'est pas aussi symptomatique d'un mouvement plus large qui est en fait l'impératif culturel de la singularité, c'est-à-dire l'injonction à la réalisation de soi par soi, l'exaltation de la personnalisation des croyances, donc qui a été très bien analysé, hein, ce que Richard Sennett appelle les tyrannies de l'intimité, qui génèrent des types de mal-être particuliers, ce qu'Alain Ehrenberg appelle la fatigue d'être soi, ce que Daniel Hervé-Léger a appelé l'impérialisme de l'accomplissement. Et donc finalement, ma question, c'est est-ce que ces individus, ce dont ils cherchent à guérir, ce n'est finalement pas ce mal-être du XXIe siècle qui est lié à cette injonction à l'individualisme, à la réalisation de soi, par soi et pour soi. Et enfin, une dernière remarque, j'ai trouvé très intéressant la façon dont tu as souligné dans ta présentation le dualisme en fait, du discours de guérison, qui est à la fois utilisé par les individus comme un discours d'empowerment, donc de justification de l'investissement religieux, mais qui peut aussi être vu comme un discours de stigmatisation, notamment dans le cas des convertis, qui sont perçus comme des individus pathologiques, dont qui doivent guérir, en fait, qui doivent guérir de quelque chose. Et donc ça m'a beaucoup intéressée, ce dualisme du recours à la guérison, à la fois comme langage d'empowerment et de stigmatisation. Et je me demande si ça ne traduit pas aussi plus généralement une forme de pathologisation ou de médicalisation du monde social et du religieux en particulier. Voilà, je m'arrête là.